Je vis une idylle ottomane. Roti al ferhadam. Bon alors les gars, en mi alors. Hein. Tu veux la pécho? Hein? Tu veux la pécho? Mais non, trop pas, t'as vu, t'as récompris, le tibet. J'suis un poète. Thank you.

We'll be right back. Scheiß Conditions. First round. Ha! I'm winning anyway. Thank you.